bonne santé, d'avoir des choses à raconter, de pouvoir se vanter, d'avoir du taf et assez d'argent pour se nourrir, d'avoir 80 années de vie potentielle avant de mourir. Ça rend la vie un peu moins terne, d'avoir des amis, un peu de reconnaissance professionnelle et une famille, une voiture et un toit, la télé et des vêtements, de rire du malheur des autres et de ceux qui vivent bêtement. Ça rend la vie un peu moins sombre d'habiter en français, payer des impôts ou d'aller en boîte pour danser, d'avoir des clopes dans la poche et du vin dans la cave, d'avoir quelques problèmes et de se dire que ce n'est pas bien grave. Ça rend la vie un peu plus belle quand on y pense, quand on sait ce qu'on a et qu'on évalue notre chance. Ne serait-ce que 10% de la liste pourrait suffire à 3 ou 4 milliards d'humains pour cesser de souffrir. Need a free key, even if I'm sad and freaky. Life seems like not photograph. Dead enough, bad in a chronograph. Need a free key, even if I'm sad and freaky. Life seems like not photograph. Dead enough, bad in a chronograph. A comme affection, M comme magique, O comme offrir, U comme urgence, R comme réfléchir. Ça rend la vie un peu moins triste, si tout le monde était sur sa liste, ça ferait des humains altruistes. Mais ça ne touche qu'une infime partie, j'affirme que celui qui a tout, sauf ça reste infirme. Ça fait des envieux, son absence endurcit les gens vieux, car ça met du soleil dans les cœurs, même les jours plus vieux. Cette émotion adoucit, l'amertume surpasse les soucis, et la maladie aussi. Ça combat les guerres et l'idiotie, ça se donne, ça se mérite, en aucun cas ça ne se négocie. Présent un peu partout de façon partielle, c'est pourtant gratuit, si ça t'est inconnu, je t'en offre une parcelle. C'est bien plus puissant que la haine, c'est un conflit, une bataille infinie qui pour certains est vaine. C'est à la portée de tous, c'est juste une vertu qu'il faut arroser de soi pour qu'elle pousse. Need of people, even if I'm sad and freaky. Life seems like not for